بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc on continue l'explication de l'introduction au sujet du manhaj de Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab dans ses écrits et dans sa façon d'écrire. Donc, on a expliqué 5 points que le Cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad voulait clarifier avant de commencer donc à expliquer cette méthodologie. Et donc, on a terminé. Et maintenant, donc, on rentre dans les points qu'il mentionne par rapport à son manhaj dans les différents écrits qu'il a composés durant sa vie. Donc, le Cheikh, il dit Al-Awlawiyyat fi at-ta'lif عند الشيخ الإمام. C'est-à-dire quelles étaient les priorités dans l'écriture des livres qu'il a écrits pour Cheikh l'Islam, l'Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab. Donc il dit ici دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مبنية على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبيان العقيدة السليمة المستمدة من هذين الينبوعين الصافيين. ولهذا كانت الأولويات في التأليف عنده في بيان العقيدة والعناية بمعاني كلام الله عز وجل ومعرفة أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وبيان الأحكام الفقهية المستندة أو المستندة إلى النصوص الشرعية. وكان أولى اهتمامه وجل عنايته في إيضاح توحيد العبادة الذي أرسلت الرسل وأنزلت الكتب من أجله، كما قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فألف في التوحيد كتبا عديدة، أهمها كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وكتاب الأصول الثلاثة وأدلتها، وكتاب كشف الشبهات. Donc le Cheikh, il explique que la da'wah du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, elle est basée sur le Coran et la Sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, et elle est basée sur l'explication de la bonne aqidah, la aqidah qui est saine et qui est propre, qui est extraite de ces deux sources pures, c'est-à-dire du Coran et de la Sunna. Donc parmi les priorités dans l'écriture pour le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il y avait le fait de clarifier la aqidah. Et il a donné à ça une importance, hein, il a donné à ça une importance en particulier dans la clarification de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans la connaissance des hadiths du messager sallallahu alayhi wa sallam, dans la clarification des règles de fiqh qui sont extraites des textes de la sharia. Et sa priorité donc, la chose à laquelle il a donné le plus d'importance et le plus d'attention, c'est bien entendu de clarifier le tawhid, hein, le tawhid dans l'adoration en particulier, puisque c'est le tawhid avec lequel les messagers ont été envoyés et pour lequel les livres ont été révélés, comme Allah subhanahu wa ta'ala le mentionne dans le verset où il dit et nous avons envoyé dans chaque nation un messager pour qu'il dise adorez Allah et écartez-vous du tawhid. Et il mentionne l'autre verset qui dit et nous n'avons envoyé avant toi de messagers excepté pour excepté que nous lui avons révélé que rien ne mérite d'être adoré excepté moi, alors adorez-moi. Et donc le Cheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab, il a écrit des livres dans le tawhid, il a écrit de nombreux livres, et le plus important d'entre tous ces livres, c'est Kitab al-Tawhid, qui est le droit que Allah a sur son serviteur. Et également le livre des trois fondements et de ses preuves. et également donc celui qu'on appelle l'usul al-salatha, et également le livre qu'on appelle Kashf al-Shubuhat, hein, le fait de dévoiler les ruses et les shubuhat et les ambiguïtés que les mushrikounes jettent au sujet de la aqida. Donc ce sont des livres qui ont été écrits par le shaykh, qui expliquent les fondements de l'adoration et du tawhid dans l'adoration. Ensuite, le shaykh il passe à un autre point. Manhajuhu fi ta'lif kitab al-tawhid. Quelle était la méthodologie du shaykh Muhammad ibn Abdul Wahhab dans l'écriture de son livre Kitab al-tawhid? Donc le shaykh Abdul Muhsin al-Abbad, hafizahullah, il dit: كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد هو أهم وأوسع كتب الشيخ رحمه الله في العقيدة، وقد اشتمل على 66 بابا، أولها باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وآخرها باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية. Donc le cheikh il dit que le livre Kitab al-Tawhid, le livre du Tawhid, qui est le droit que Allah a sur ses serviteurs, c'est le livre le plus important que le cheikh a écrit dans la Aqidah et le plus vaste, celui qui touche à plus de sujets. Et il comprend 66 chapitres, dont le premier est le chapitre du mérite du Tawhid et ce qu'il expie comme péché, et le dernier d'entre ces chapitres qui s'intitule ce qui a été dit au sujet de la parole d'Allah dans le verset dans Surat Az-Zumar: et ils n'ont pas estimé Allah comme il le mérite, et la terre tout entière sera une poignée dans sa main, ainsi que les cieux seront une poignée dans sa main au jour de la résurrection. Donc ça c'est le dernier chapitre dans Kitab al-Tawhid. Et il dit wa qabla al-bab al-awwal tarjama bi kitab al-tawhid, tarjama bi kitab al-tawhid wa awrada fihi khams ayat wa hadithan wa atharan, wa hadhihi al-ayat hiya qawlullah 'azza wa jalla: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله: وقد ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآيات. Donc le cheikh il explique que avant le premier chapitre qu'on a mentionné, il a mis donc une introduction, si on veut, qui est un chapitre ou une préface qu'il a intitulé Kitab al-Tawhid. Donc c'est avant le premier chapitre. Et c'est comme pour donner en fait une introduction à son livre. Il l'a intitulé Kitab al-Tawhid dans le but d'expliquer et d'interpréter qu'est-ce que signifie le Tawhid. Dans ce chapitre-là, il a mentionné 5 versets, un hadith et une athar, une parole d'un sahabi. Et donc, les versets qu'il a mentionnés, les 5 versets qu'il a mentionnés sont les suivants. Le premier, c'est celui qui dit: je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Ça, c'est dans Surat al-Zariyat. Et le deuxième verset qu'il a mentionné, c'est nous avons envoyé dans chaque nation un messager pour qu'ils disent: adorez Allah et écartez-vous du tarout. Donc, ça, c'est le deuxième verset. Le troisième verset, celui dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qu'il signifie: et ton Seigneur a décrété, ou il a ordonné, que rien ne soit adoré excepté lui, et la bonté envers les parents. Ainsi que le verset suivant, le quatrième verset, qui dit: et adorez Allah et n'associez rien avec lui. Et le cinquième verset qui est dit au Muhammad, venez, je vais vous réciter ce que votre Seigneur a interdit pour vous, que vous n'associez rien avec lui. Donc ça c'est les cinq versets qu'il a mentionnés. Après le cheikh dit وعقب الآيات من سورة الأنعام بأثر ابن مسعود رضي الله عنه بشأنها ثم أورد حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه المتفق على صحته في بيان حق الله على العباد وحق العباد على الله ومن منهجه في تأليفه. Donc ensuite il a fait suivre ces versets de Sourate Al-An'am par une parole de Ibn Mas'ud qui clarifie donc ce verset-là, puis il a mentionné le hadith de Mu'adh ibn Jabal qui explique qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim et qui explique quel est le droit d'Allah sur ses serviteurs et quel est le droit des serviteurs sur Allah. Et parmi les choses qui font partie de la méthodologie du Cheikh dans l'écriture de ce livre, il dit, le Cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, il dit, premièrement, أولاً أن الكتاب من أوله إلى آخره يسوق فيه الشيخ الإمام آيات وأحاديث وآثاراً عن السلف أو عن سلف هذه الأمة من الصحابة ومن بعدهم ممن سار على نهجهم وطريقتهم. وصنيعه هذا شبيه بصنيع الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح وعلى الأخص كتاب التوحيد الذي هو آخر الكتب في صحيح البخاري. Donc le Cheikh il dit que premièrement, parmi les exemples de la méthodologie du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab dans la composition de son livre Kitab al-Tawhid, c'est que son livre du début jusqu'à la fin, l'imam, le cheikh, il l'a rempli de versets et de hadiths, et également des paroles des salaf de la Ummah, parmi les sahaba et ceux qui sont venus par la suite, qui ont suivi leur voie et leur méthodologie. Et cette façon donc de composer son livre et d'écrire ressemble beaucoup à la méthode de l'imam al-Bukhari rahimahullah dans son livre Al-Jami' al-Sahih. Parce que l'imam al-Bukhari, c'est la manière dont il écrit, dont il a écrit son livre. Il met un chapitre, puis il rapporte différentes choses qui ont été dites par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui explique donc qu'est-ce qui est dit dans le titre, pour supporter qu'est-ce qui est dit dans le titre. Donc, c'est la méthodologie donc de l'imam al-Bukhari. Et en particulier, le chapitre dans Kitab, dans le Sahih de l'imam al-Bukhari qui s'intitule Kitab al-Tawhid. Donc l'imam al-Bukhari dans Sahih al-Bukhari, il y a plusieurs chapitres, plusieurs chapitres, et un de ces chapitres c'est Kitab al-Tawhid, d'accord. Donc qu'est-ce qu'il fait l'imam al-Bukhari dans ce chapitre là Eh bien c'est exactement ce qu'on retrouve, c'est-à-dire que c'est exactement la même méthodologie, la même chose que dans le livre de Kitab al-Tawhid de l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab. Donc qu'est-ce qu'il fait? Le Cheikh il dit فإن طريقة البخاري في ذلك أنه يرد آيات وأحاديث وآثارا وقد بلغت أبواب كتاب التوحيد من صحيح البخاري ثمانية وخمسين بابا أولها باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى وقد أورد فيه حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه في بيان حق الله على العباد وحق العباد على الله وعدة أبواب كتاب التوحيد عند الإمام البخاري وأبواب التوحيد عند الإمام محمد بن عبد الوهاب متقاربة وهي في الصحيح 58 وعند الإمام محمد بن عبد الوهاب 66. أوكي. Donc l'imam al-Bukhari il a placé son livre Kitab al-Tawhid dans le Sahih comme en dernier dans le Kitab al-Tawhid. Et il dit que la méthode de l'imam al-Bukhari dans le Sahih, quand il écrit dans ce chapitre-là, c'est qu'il rapporte les versets du Coran, des hadiths et les paroles des salafs. Et le nombre de chapitres dans le nombre de sous-chapitres dans le chapitre de Kitab al-Tawhid dans Sahih al-Bukhari, il est de 58 sous-chapitres. Le premier d'entre ces sous-chapitres-là s'intitule ce qui a été rapporté par ce qui a été rapporté au sujet de l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a fait à sa umma lorsqu'il les appelle au tawhid d'Allah, c'est-à-dire l'appel du messager sallallahu alayhi wa sallam au tawhid d'Allah. Donc ça c'est le premier sous-chapitre dans le chapitre Kitab al-Tawhid de Sahih al-Bukhari de l'imam al-Bukhari. Et dans ce sous-chapitre-là, il mentionne le hadith de Mu'adh ibn Jabal, qui explique quel est le droit que Allah a sur ses serviteurs et le droit que les serviteurs ont sur Allah subhanahu wa ta'ala. Et le nombre des sous-chapitres dans Kitab al-Tawhid de l'imam al-Bukhari, il est proche du nombre de celui de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, puisque Al-Bukhari il en a 58 et Muhammad ibn Abdul Wahhab il en a 66. Donc il y a quand même une proximité entre les deux, c'est-à-dire la différence n'est pas grande entre les deux. Ça fait combien? 8. Donc c'est quand même pas beaucoup de différence. Le cheikh il dit ensuite comme deuxième point parmi les exemples ou les éléments qui expliquent donc la méthodologie du cheikh. Donc ce premier point-là, c'est pour montrer qu'il y a, quelque chose qui ressemble à la méthodologie de l'imam al-Bukhari. Donc il suit l'exemple de l'imam al-Bukhari dans son livre. Deuxièmement, ثانياً أنه عند إيراد الآيات والأحاديث والآثار يقدم الآيات ثم الأحاديث ثم الآثار إلا إذا كان الأثر متعلقاً بآية أو بحديث فإنه يقدمه من أجل ذلك التعلق. Donc le cheikh il explique que parmi les exemples de sa méthodologie, c'est qu'il ramène toujours en premier les versets qui parle du sujet de ce chapitre, puis en deuxième les hadiths, puis ensuite les athar, c'est-à-dire les paroles des sahaba ou des ulama, des tabi'in ou des imams des salaf. Donc il place toujours les versets en premier, puis les hadiths, puis les athar. Excepté si il y a un athar, une parole d'un sahabi ou d'un imam qui est directement relié à un verset ou directement relié à un hadith et qui clarifie donc le verset ou le hadith, alors il le met en avant dans le but de clarifier cette relation qu'il y a entre cette parole et le verset ou le hadith en question. Troisièmement, ثالثاً وهذا الكتاب مشتمل على الآيات والأحاديث والآثار وبذلك على قدر الكتاب ارتفعت منزلته وليس للشيخ رحمه الله فيه كلام إلا ما يورده في آخر كل باب من مسائل مستنبطة من الآيات والأحاديث والآثار وهي تدل على قوة فهم الشيخ رحمه الله ودقة استنباطه وفيها شحذ أذهان طلاب العلم في معرفة المواضع التي استنبطت منها هذه المسائل. Donc, le troisième point que le cheikh mentionne par rapport à la méthodologie qui est reliée au livre de Kitab al-Tawhid, c'est que le livre comprend donc de nombreux versets, de nombreux hadiths et de nombreuses paroles des salafs. Et donc, c'est ce qui donne à ce livre une importance très grande et qui élève le statut ou le degré d'importance de ce livre. C'est-à-dire que l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab a très peu de paroles à lui dans ce livre-là. Hein? C'est, il n'y a presque rien. Il a presque rien écrit comme parole de lui-même dans le livre. Excepté ce qu'il mentionne à la fin de chaque chapitre comme point bénéfique parmi les questions qui sont extraite des versets et des hadiths qui sont dans le chapitre en question. Donc, quand vous allez lire, par exemple, Kitab al-Tawhid, à la fin de chaque chapitre, vous allez voir, par exemple, « Wafihi masail ». C'est-à-dire, il y a dedans certains points. Puis là, qu'est-ce qu'il fait, le cheikh? C'est que pour chaque hadith ou verset, chaque verset ou hadith ou parole des sahaba, il ramène qu'est-ce qu'on peut tirer comme point bénéfique de ces différents versets, de ces différents hadiths ou de ces différentes paroles des sahaba pour les clarifier. Et ça, c'est des choses qu'il a extrait de sa compréhension de ces différents hadiths-là. Et ça indique une chose, c'est la force que l'imam avait, la force du cheikh dans sa compréhension et sa subtilité dans la façon d'extraire les différentes leçons de ces différents hadiths-là. Et en même temps, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça entraîne les étudiants en sciences à essayer d'utiliser leur esprit pour comprendre à quel verset ou à quelle partie d'un verset ou à quelle partie d'un hadith se réfèrent ces différents points-là. Donc, pour essayer de faire le lien entre la question, puis d'où est-ce que cette question-là vient dans les versets ou dans les hadiths. Donc, ça active l'esprit des étudiants à essayer de justement comprendre d'où viennent ces différents points-là dans le chapitre qu'on vient d'étudier. Quatrièmement, il dit, رابعاً أن أبواب هذا الكتاب متضمنة تقرير التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة والتحذير مما ينافي أصل التوحيد وهو الشرك بالله أو ينافي كماله وهو الشرك الأصغر والبدع. ومن أبواب كتاب التوحيد في تقرير التوحيد باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب وباب من حقق التوحيد دخل الجنة بلا حساب ولا عذاب وباب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله وباب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. Donc le cheikh, il dit que parmi les chapitres de ce livre qui comprennent, donc il dit dans ce livre, il y a des chapitres qui comprennent donc le fait d'établir le tawhid et de raffermir en quelqu'un la compréhension donc de ce tawhid qui signifie d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration et de faire en sorte que notre adoration soit uniquement pour lui. Et de mettre en garde contre ce qui vient s'opposer à la base du tawhid, c'est-à-dire le shirk avec Allah, ou qui vient s'opposer ou contredire le perfectionnement du tawhid. Et dans ce cas-là, c'est le shirk mineur. Donc le shirk majeur, c'est ce qui vient détruire la base du tawhid. Une fois que quelqu'un est tombé dans le shirk majeur, il a détruit le tawhid à sa base. Ça veut dire qu'il ne reste plus de tawhid. Des fois, la personne va faire une forme de shirk, mais c'est une forme de shirk mineur, ou bien des innovations. Ça ne détruit pas son tawhid à sa base, mais ça détruit la perfection ou le perfectionnement du tawhid. Ça le diminue. Donc dans ce cas-là, cette personne-là, elle a nié ou opposé le perfectionnement du tawhid. Et il dit le cheikh que parmi les chapitres de Kitab al-Tawhid qui explique donc le tawhid de cette façon, il y a le chapitre qui explique le mérite du tawhid et ce qu'il expie comme péché, et le chapitre ensuite qui dit celui qui a réalisé qui a concrétisé le tawhid, il entrera dans le paradis sans aucun jugement ni châtiment. Puis le chapitre qui suit ensuite qui s'intitule l'appel au témoignage de la ilaha illallah. Puis le chapitre ensuite qui s'intitule l'interprétation du tawhid et du témoignage de la ilaha illallah, que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Donc ces chapitres-là qui sont au début du livre sont là pour expliquer et raffermer la compréhension du tawhid et qu'est-ce que ça implique. ومن الأبواب فيما ينافي أصل التوحيد وهو الشرك باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غير الله وباب ما جاء في الذبح لغير الله وباب من الشرك النذر لغير الله وباب من الشرك الاستغاثة بغير الله وباب قول الله تعالى أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا والآية وباب قول الله تعالى فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Donc il dit parmi les chapitres qui expliquent ce qui vient s'opposer à la base du tawhid, c'est-à-dire le shirk, ce qui est shirk, il y a les chapitres suivants. Le chapitre qui s'intitule parmi les choses qui font partie du shirk, il y a le fait d'invoquer ou d'appeler au secours autre que Allah, ou d'invoquer autre que Allah. Et il y a un autre chapitre qui s'intitule ce qui a été dit ou ce qui a été rapporté au sujet de sacrifier pour autre que Allah, faire un sacrifice pour autre que Allah. Et aussi comme exemple, parmi les chapitres, le chapitre qui dit parmi les choses qui font partie du shirk, le fait de faire un vœu pour autre que Allah. Et un autre chapitre qui s'intitule parmi les exemples du shirk, il y a le fait de chercher protection d'autre que Allah. Et également un autre chapitre qui explique la parole d'Allah Ta'ala. Lorsqu'il dit, est-ce qu'ils associent avec Allah ceux qui ne peuvent ni créer quoi que ce soit, et qui sont eux-mêmes créés, et qui ne sont pas capables de leur venir en secours, ou de les aider, ou de les secourir. Et un autre chapitre ensuite qui explique la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il dit ce qui signifie, alors ne donnez pas à Allah subhanahu wa ta'ala des égaux, alors que vous savez. Ensuite, le Cheikh il dit, وَمِنَ الْأَبْوَابِ فِيمَا ينافي كمال التوحيد وهو البدع والشرك الأصغر باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم تركهم دينهم وهو الغلو في الصالحين وباب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده وباب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله وباب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك وباب قول ما شاء الله وشئت. Donc le Cheikh explique ensuite que parmi les chapitres qui viennent annuler ou bien opposer la perfection du tawhid ou le perfectionnement du tawhid, il y a les choses qui ont rapport avec les innovations. Donc ça c'est les choses qui ont rapport avec les innovations et le shirk mineur, shirk al-asrar. Il y a les chapitres suivants. Celui qui dit ce qui a été rapporté sur la cause du kufr des fils d'Adam, du fait qu'ils ont abandonné leur religion. Et cette cause-là, c'est l'exagération envers les hommes pieux. Un autre chapitre également qui s'intitule « Ce qui a été rapporté comme menace sévère au sujet de celui qui adore Allah auprès de la tombe d'un homme pieux. » Alors, que dire de celui qui adore cet homme pieux-là, hein? Et un autre chapitre qui s'intitule « Ce qui a été rapporté sur le fait que l'exagération au sujet des tombes des hommes pieux, c'est quelque chose qui fait devenir ces tombes-là des idoles qui sont adorées en dehors d'Allah. Et un autre chapitre qui s'intitule ce qui a été rapporté au sujet de la protection que le prophète Al-Mustafa, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a fait des limites et des barrières du tawhid et du fait qu'il a fermer tous les chemins, toutes les portes qui peuvent ramener les gens au shirk ou faire arriver les gens au shirk. Donc il n'a pas interdit seulement le shirk lui-même et averti contre le shirk lui-même, mais contre tout ce qui pouvait amener au shirk. Hein? Et le dernier exemple de chapitre de cette catégorie, c'est par exemple, il y a le chapitre qui dit au sujet de la parole, ou au fait de dire, le chapitre au sujet du fait de dire ce qu'Allah veut et toi. Donc c'est comme si, ça fait partie de ces exemples de shirk asghar, du fait de mettre quelqu'un à égalité avec Allah dans la parole. On en a parlé dans l'explication de Kitab al-Tawhid qu'on avait fait. Maintenant, on rentre dans un autre point que le cheikh Abdul Muhsin al-Abbad a expliqué, c'est le manhaj de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab dans son livre Al-Usul al-Thalatha wa Adillatuha. Donc, le cheikh Abdul Muhsin il dit manhajuh fi ta'lif kitab al-usul al-thalatha wa adillatuha al-usul al-thalatha allati hiya mawdu'u hadha al-kitab hiya ma'rifatu al-'abd rabbahu wa dinahu wa nabiyyahu Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam wa li hadhihi al-usul al-thalatha ahamiyatu al-kubra fa innaha allati tus'alu 'anha al-mayyit fi qabrihi faqad rawa al-imam Ahmad بإسناد حسن عن البراء بن عازب رضي الله عنه حديثا طويلا وفيه فيأتيه أي المؤمن ملكان فيجلسان فيقولان له من ربك فيقول ربي الله فيقولان له ما دينك فيقول ديني الإسلام فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه ويأتيه أي الكافر ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول ها لا أدري فيقولان له من ما دينك فيقول ها لا أدري فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول ها لا أدري. Donc le cheikh il dit que les trois fondements, l'usul al-thalatha, c'est le sujet donc de ce livre, et c'est de connaître le fait que le serviteur connaisse son seigneur, sa religion et son messager, son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et pour ces trois fondements, il faut savoir qu'il y a une très très grande importance. C'est-à-dire que ces trois fondements-là sont d'une très grande importance. Parce que chacun d'entre nous, lorsqu'il meurt, il sera questionné au sujet de ces trois fondements-là dans sa tombe. Comme ça a été rapporté par l'imam Ahmad, le hadith 18534, avec une isnad qui est authentique, c'est-à-dire Hassan. Selon Al-Bara ibn Azib, radiyallahu anhu, un hadith qui est très très long, mais dans lequel on retrouve, il y a deux anges qui vont venir auprès du mu'min, auprès du croyant lorsqu'il meurt, et ils s'assoient auprès de lui, et ils disent, tous les deux, qui est ton Seigneur? Alors, ce croyant répond, mon Seigneur est Allah. Alors, ils lui disent, les deux, quelle est ta religion? Alors, il répond, ma religion, c'est l'islam. Alors, tous les deux lui posent la question, et quel est cet homme qui a été envoyé parmi vous? Et il répond, c'est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et dans ce même hadith, on retrouve plus tard, ou plus loin, ce qui suit. Et les deux anges viennent au kafir, au non-croyant, et ces deux anges s'assoient près de lui. Et ils lui demandent, tous les deux, qui est ton Seigneur? Alors ils disent, il répond, je ne sais pas. Il dit, je ne sais pas. Alors ils lui demandent, quelle est ta religion? Et il répond, je ne sais pas. Et il lui demande encore la question par la suite, quel est cet homme qui a été envoyé parmi vous? Et il répond encore une fois, ah, je ne sais pas. وأيضا فقد ورد ذكر هذه الثلاثة مجتمعة في بعض الأحاديث ومنها ما يدل على أنها من كمال الإيمان وهو حديث العباس بن عبد المطلب في صحيح مسلم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وفي صحيح مسلم أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا سعيد من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وجبت له الجنة الحديث وقد وردت أيضا في أدعية الأذان في صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال حين يسمع الآذان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر الله له ذنبه. Donc le cheikh il explique que ces trois fondements là ont été mentionnés tous les trois réunis dans plusieurs hadiths ces trois choses là donc indiquent la perfection de la foi de quelqu'un. Comme dans le hadith rapporté par Al-Abbas ibn Abdul Muttalib dans Sahih Muslim, le hadith 56, qu'il a entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dire « Celui qui a goûté à la foi, celui qui a été satisfait d'Allah comme son Seigneur, de l'Islam comme sa religion, et de Muhammad comme son messager, il a goûté à la foi, il a goûté à la douceur ou au goût de la foi. » Et c'est rapporté également dans Sahih Muslim, le hadith 1884, selon Abi Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, « Ô Abu Sa'id, celui qui a été satisfait d'Allah comme son Seigneur, et de l'Islam comme sa religion, et de Muhammad comme son prophète, alors il est obligatoire pour lui d'entrer au paradis. Il est obligatoire pour lui d'entrer, hein, le paradis lui est rendu obligatoire, c'est-à-dire il va rentrer. Et il dit, le cheikh dit ensuite, et que ces trois choses sont mentionnées également dans des invocations après le adhan, comme c'est mentionné dans le Sahih Muslim, le hadith 386, selon Sa'd ibn Abi Waqqas, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque l'un de vous entend le adhan, qu'il dise: je témoigne que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, lui seul, il n'a aucun partenaire, et que Muhammad est son serviteur et messager. Je suis satisfait d'Allah comme mon Seigneur, de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme son messager, et de l'Islam comme religion. Donc celui qui dit ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah lui pardonne son péché. Ça c'est après avoir entendu le azan. وهو كتاب نفيس لا يستغني عنه الخاص والعام لما اشتمل عليه من بيان هذه الأصول الثلاثة وأدلتها. وقد قال فيه: إذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. فإن قيل لك من ربك؟ فقل ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع ومن فيهن وما بينهما. واستدل لذلك من القرآن ثم قال والرب هو المعبود. والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا الله يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. ثم ذكر جملة من أنواع العبادة وأدلتها ثم قال الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله وهو ثلاث مراتب الإسلام والإيمان والإحسان وكل مرتبة لها أركان. ثم ذكر أركان الإسلام الخمسة وأركان الإيمان الستة والركن الواحد للإحسان وذكر الأدلة على ذلك. Donc le cheikh, en fait, qu'est-ce qu'il fait ici? Il explique donc l'importance de Al-Usul al-Thalatha. Il dit que c'est un livre très très précieux que personne ne peut, se passer, que ce soit un savant ou une personne ordinaire, une personne éduquée, une personne ordinaire, on ne peut pas s'en passer. Pourquoi? Parce que dans ce livre, il y a la clarification des trois fondements de la religion avec leurs preuves. Et le cheikh, justement, donc, il dit au sujet de ces trois fondements-là, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, et si on te dit, quels sont les trois fondements qu'il est obligatoire à l'homme de connaître? Il dit, c'est que le serviteur connaisse son Seigneur, sa religion et son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et si on te demande qui est ton Seigneur, tu dis mon Seigneur est Allah, celui qui m'a élevé, qui m'a fait grandir, qui m'a fait évoluer et qui a fait évoluer également et fait grandir et qui a donné la subsistance à l'univers tout entier et qui les a comblés de sa grâce. Et c'est lui que j'adore et je n'ai rien d'autre que j'adore en dehors de lui. Et la preuve de cela est dans le verset Alhamdulillah Rabbil Alamin, c'est-à-dire louange à Allah, le Seigneur des mondes. Et tout ce qui existe en dehors d'Allah fait partie des mondes. Et moi je suis un de ces mondes. Et si on te demande, comment as-tu connu ton Seigneur? Dis, par ses signes et par ses créatures, par ses créations. Et parmi ces signes, il y a la nuit et le jour, et le soleil et la lune. Et parmi ces créatures, il y a les sept cieux et les sept terres. Et ce qu'il y a entre celles-ci, ce qu'il y a en celles-ci et entre celles-ci. Et il a mentionné les preuves de cela dans le Coran. Puis ensuite, il a dit, et mon Seigneur, c'est celui qui est adoré. Al-Ma'boud. Et la preuve de cela, il a mentionné le verset 21 et 22 dans Sourate Al-Baqarah. Oh, vous les hommes, adorez votre Seigneur qui vous a créé et qui a créé ceux qui étaient là avant vous pour que vous puissiez atteindre la piété. Celui qui a fait pour vous la terre comme un lit, ou comme un tapis, et le ciel comme un toit, comme une construction, et qui a fait descendre du ciel pour vous une eau par laquelle il a fait sortir des fruits comme subsistance pour vous. Alors ne donnez pas des égaux à Allah alors que vous savez. Et il mentionne ensuite les paroles de l'imam Ibn Kathir rahimahullah qui dit le créateur de toutes ces choses c'est lui qui est celui qui mérite de recevoir l'adoration ou d'être adoré. Puis il mentionne donc une série de sortes d'adorations et les preuves de chacune de ces différentes sortes d'adorations-là. Puis il dit ensuite, le deuxième fondement, c'est de connaître la religion de l'islam avec ses preuves. Et il mentionne que l'islam, c'est de se soumettre à Allah par le tawhid et d'obéir à Allah en se soumettant à lui par notre obéissance, et de se désavouer du shirk et des gens qui le pratiquent. Et il dit que la religion, elle comprend trois degrés. L'islam, l'iman, la foi, et l'ihsan, hein, le perfectionnement de la foi. Et chacun de ces degrés-là a des piliers. Puis il mentionne les cinq piliers de l'islam, les six piliers de la foi, et le pilier de l'ihsan, du perfectionnement de la foi, qui est un seul pilier. Puis il mentionne les preuves de chaque, hein, de chacun de ces degrés-là. ثم قال الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وهاشم من قريش وقريش من العرب والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام وله من العمر 63 سنة منها 40 قبل النبوة و23 نبيا ورسولا نبئ بإقرة وأرسل بالمدثر وبلده مكة وهاجر إلى المدينة وبعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد ثم ذكر جملا أخرى تتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم ورسالته واستدل على ذلك وذكر رحمه الله نسبه الشريف على سبيل الإجمال ويدل لشرف نسبه صلى الله عليه وسلم ما رواه مسلم في صحيحه عن واثلة ابن الأسقع رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم وقريش هم أولاد فهر ابن مالك وهو الأب الحادي عشر للرسول صلى الله عليه وسلم وآباؤه صلى الله عليه وسلم إلى عدنان 21 وهو المتفق عليه في نسبه وما وراءه مختلف فيه وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد ابن عدنان وهذا النسب أورده الإمام البخاري في صحيحه في مطلع باب مبعث النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب مناقب الأنصار وأورد بعده الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه قال أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 40 فمكث بمكة 23 سنة ثم أمر بالهجرة فهاجر إلى المدينة فمكث بها 10 سنين ثم توفي صلى الله عليه وسلم. وانظر هذا النسب في الطبقات الكبرى لابن سعد وفيه نسبة قريش إلى فهر بن مالك الأب الحادي عشر للرسول صلى الله عليه وسلم. وانظر ما قيل في نسبه صلى الله عليه وسلم إلى عدنان إلى إسماعيل في فتح الباري. Donc le cheikh il dit que par la suite le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il explique le troisième fondement qui est la connaissance du prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم. Il dit que il s'appelle Muhammad, fils d'Abdullah, fils d'Abdul Muttalib, fils de Hashim. Hashim fait partie de Quraysh, et Quraysh fait partie des Arabes, et les Arabes sont les fils qui descendent d'Ismaïl ibn Ibrahim, le fils d'Abraham, al-Khalil, hein, celui qui était l'ami proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et paix et salut soit sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur Ibrahim. Et il avait 63 ans dans sa vie. Il a vécu 63 ans en tout. 40 ans avant la prophétie et 23 ans en tant que prophète et messager. Il a été envoyé comme prophète par le verset Iqra et il a été envoyé comme messager par le verset dans Surat Al-Muddassir. Et il est né à Mecca et il a fait la hijra à Médine. Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé pour avertir contre le shirk et pour appeler au tawhid. Puis ensuite, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a mentionné plusieurs autres choses qui se concentrent sur ou qui ont un lien avec la personne du messager sallallahu alayhi wa sallam et de sa mission. Et il a mentionné les preuves à ce sujet-là. Puis, par la suite, il mentionne, le cheikh Abdul Muhsin, que au début, donc, on voit qu'il mentionne une partie de la généalogie du prophète sallallahu alayhi wa sallam de façon résumée. Ce qui indique donc la noblesse de sa généalogie et de ses origines. Et il dit, parmi les preuves de ça, il y a ce que mentionne l'imam Muslim dans son Sahih, le hadith numéro 2276, selon Wathila ibn al-Asqa' radiallahu anhu, il dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui disait que Allah a choisi Kinana parmi les fils d'Ismaïl. Il a choisi Quraysh parmi Kinana. Il a choisi Quraysh de Bani Hashim. Et il m'a choisi moi parmi les enfants de Hashim, ou parmi Bani Hashim. Donc, Quraysh sont les enfants de Fahr ibn Malik. Et c'est le 11e grand-père du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et ses parents et ses ancêtres, donc, ils reculent jusqu'à Adnan, qui est le 21e grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à ce sujet-là, dans sa généalogie, il y a un accord à ce sujet-là, c'est l'unanimité à ce sujet-là sur ses descendants jusqu'au 21e, c'est-à-dire jusqu'à Adnan. Il n'y a pas de désaccord. Par contre, les descendants après Adnan, il y a certaines divergences parfois entre les savants qui parlent de la généalogie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, yani, c'est son nom, si on le mentionne jusqu'à son 21e grand-père, c'est Muhammad, fils d'Abdullah, fils d'Abdul Muttalib, fils de Hashim, fils d'Abdul Manaf, fils de Qusay, fils de Kilab, fils de Murra, fils de Ka'b, fils de Lu'ay, fils de Ghalib, fils de Fahr, fils de Malik, fils de An-Nadr, fils de Kinana, fils de Khuzayma, fils de Mudrika, fils de Ilyas, fils de Mudar, fils de Nizar, fils de Ma'ad, fils de Adnan. Et donc ça, c'est la généalogie que l'imam al-Bukhari a mentionné du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son sahih, avant de mentionner ou avant de yani dans le début du chapitre au sujet de la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le chapitre qui s'intitule Manaqib al-Ansar, Kitab Manaqib al-Ansar. Donc il l'a rapporté après avoir mentionné ça, le hadith 3851 selon Ibn Abbas qui dit radiyallahu anhuma que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé la révélation au messager, au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il avait 40 ans. Puis il est resté 13 ans à la Mecque. Puis ensuite, il a été ordonné de faire la hijra. Alors, il a fait la hijra jusqu'à Médine. Puis il est resté là-bas 10 ans. Puis il est mort, sallallahu alayhi wa sallam. Et vous pouvez voir donc la généalogie du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le livre de l'imam Ibn Sa'd, qui s'intitule At-Tabaqat al-Kubra, dans le volume 1 à la page 55. Et il y a une généalogie qui va jusqu'à Quraysh et jusqu'à Fahr ibn Malik, qui est le 11e grand-père du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et regardez ce qui a été dit également au sujet de sa généalogie jusqu'à Adnan et jusqu'à Ismaïl également dans Fath al-Bari, le volume 6, de la page 538 à la page 539. Ensuite, le cheikh il dit: Wal hasilu anna kitab al-usul al-thalatha wada'ahu cheikh الشيخ محمد بن عبد الوهاب رضي الله رحمه الله مختصرا واضحا واضح العبارات مستدلا لما يذكره بالكتاب والسنة وهو من أول ما ينبغي أن يلقنه الصبيان ويعلمه العوام ويستفيد منه الخاص والعام. Donc le cheikh il dit qu'est-ce qu'on peut dire au sujet de ce livre al-usul al-thalatha, c'est que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il l'a écrit, il l'a fait pour que ce soit un résumé avec des expressions claires, et il a mentionné à chaque point des preuves qu'il mentionne du Coran et de la Sunna. Et c'est la première chose que les enfants doivent étudier comme livre de religion pour apprendre justement la aqida, les bases, et que tous les musulmans, parmi les musulmans du commun, doivent apprendre, et tout le monde peut profiter de ce livre, que ce soit des savants ou des gens simples, ordinaires. Ensuite, le cheikh il dit وَمَنْهَجُهُ فِي تَأْلِفِ كِتَاب كَشْفِ الشُّبُهَاتِ. Donc la méthodologie du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab au sujet de son livre كَشْفِ الشُّبُهَاتِ, c'est-à-dire le fait de dévoiler les ambiguïtés des mushrikines et des gens qui appellent au shirk et à l'adoration des tombes. Il dit le cheikh اسم الكتاب مطابق لموضوعه فالشيخ رحمه الله أورد فيه الشبهات التي ذكرها أهل البدع ملبسين بها على الدعاة إلى الحق والصراط المستقيم ومخالفين فيها لما كان عليه سلف هذه الأمة من الصحابة ومن سار على نهجهم, وذلك بتعلقهم بالأولياء والصالحين وجعلهم وسائط بينهم وبين الله يدعونهم ويستغيثون بهم. فجمع الشيخ رحمه الله جملا كبيرة من هذه الشبه فيذكر الشبهة ثم يذكر الجواب عليها مستدلا على ذلك بنصوص الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة, وكتابه هذا متمم لكتابه الأخرى في العقيدة التي أوضح فيها ما يجب اعتقاده وفقا لنصوص الكتاب والسنة, فإنه بهذا الكتاب أجاب على ما يورد على العقيدة الصحيحة من شبهات مبينا بطلانها ومخالفتها للحق والهدى الذي كان عليه سلف هذه الأمة. Donc le cheikh il explique que le nom de ce livre il correspond parfaitement à son sujet. Le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, donc, il a rapporté dans ce livre les Shubuhat que les gens de Bid'a ramènent pour essayer de confondre les gens. Et pour mélanger les gens qui appellent à la vérité, ou qui appellent au droit chemin. Donc, c'est les Shubuhat, les ambiguïtés que ramènent les égarer, pour tromper les gens, et avec lesquels ils essaient de contredire ce que suivaient les prédécesseurs de cette Ummah parmi les Sahaba et ceux qui ont suivi leur voie. Parmi les exemples de ces contradictions, il y a le fait qu'ils s'accrochent aux hommes pieux et aux saints, et qu'ils font de ces hommes pieux-là et de ces saints-là des intermédiaires entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'ils les invoquent et qu'ils les appellent au secours quand ils sont en détresse. Donc le cheikh il a réuni dans ce livre-là différentes ambiguïtés, différents doutes que ces gens-là essaient d'émettre au sujet du tawhid, et il ramène donc ces différentes ambiguïtés-là. Et il ramène la réponse à ces ambiguïtés-là, en ramenant également des preuves du Coran et de la Sunna et de ce que suivaient les salafs de la Ummah pour les réfuter. Et donc ce livre vient compléter ces autres livres qui parlent de Aqidah. dans lesquels il a expliqué donc ce qui est obligatoire à chaque musulman de connaître et d'avoir comme croyance, qui bien entendu est en accord avec les textes du Coran et de la Sunna. Donc c'est un livre dans lequel il répond à tout ce qui a été ramené comme ambiguïté au sujet de la bonne croyance, pour clarifier la fausseté de ce qui vient s'opposer à la vérité et à la guidance que suivaient les prédécesseurs de cette Ummah. Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah, pour aujourd'hui. On continuera, bi'idhnillah, la suite de cette introduction, Inch'Allah, demain, bi'idhnillah. Et ce sera sa méthodologie au sujet du tafsir, au sujet des livres de hadith, au sujet des livres de fiqh, et dans ses résumés qu'il a fait de différents livres. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.